I'd like to continue to talk about how we practice and how the practice develops. J'aimerais poursuivre mon enseignement à propos de la façon dont il faut pratiquer et comment la pratique se développe. Tous les objets qui vont apparaître devront être vus de trois façons. Il faut d'abord voir l'objet lui-même, ensuite il faut l'observer et enfin il faut le comprendre, expérimenter, remarquer quelque chose. Pour ce qui est de l'objet, il ne faut rien faire pour le faire apparaître. Il apparaît tout seul, de lui-même. Notre seul devoir, c'est d'en prendre conscience, de le noter et d'expérimenter quelque chose, de le comprendre. Nous devrons faire preuve de patience. C'est très important, car tous ces objets qui vont se manifester en nous, nous ne pouvons exercer aucun contrôle sur eux. Ils apparaissent d'eux-mêmes. Il y aura donc très souvent des objets indésirables et la colère va se manifester. Il y aura très souvent des objets désirables et c'est l'attachement qui va se manifester. Et ceci est vrai non seulement en méditation mais également dans la vie de tous les jours. On devra donc faire preuve de beaucoup de patience pour accepter tous ces objets tels qu'ils sont. Pendant la méditation assise, on nous demande d'observer les mouvements de l'abdomen. Au début, il est nécessaire de donner à l'esprit un objet à observer. C'est l'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque le soulèvement se manifeste, nous devons en prendre conscience. Il faudra donc fournir un effort pour prendre conscience de l'objet qui se manifeste à chaque instant. Cet effort va éliminer, va rendre impossible l'apparition de la paresse. L'effort va donc empêcher l'apparition d'énergie négative dans l'esprit. Il n'y aura pas que la paresse, il y aura également d'autres qualités qui viennent dans le sillage de la paresse. L'attention sera présente chaque fois que nous fournirons un effort. Il y aura un troisième facteur qui sera présent à chaque moment d'attention, c'est l'application de l'esprit à l'objet. En pali, on appelle ce facteur vitaka. C'est le facteur qui va permettre à l'esprit de toucher, d'atteindre l'objet. Il le fera au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Cette qualité de vitaka a également le pouvoir de rafraîchir l'esprit. C'est le contraire de ce que va amener la paresse. La paresse va au contraire fermer l'esprit. Nous aurons besoin de l'effort à chaque instant, constamment. Et j'aimerais bien introduire ici un enseignement à propos de l'effort juste. Cet effort juste est de quatre sortes. Il y a tout d'abord l'effort d'empêcher l'apparition dans l'esprit de négativité qui n'y était pas encore. Le deuxième type d'effort consiste à éliminer de l'esprit les négativités qui y sont déjà. Le troisième type d'effort consiste à introduire dans l'esprit des énergies positives qui n'y étaient pas encore. Et le quatrième type d'effort consiste à développer les énergies pures qui étaient déjà présentes dans l'esprit. À propos donc du premier type d'effort, celui qui consiste à empêcher les énergies négatives qui n'étaient pas encore présentes dans l'esprit de s'y introduire. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Santati. Santati suivait les instructions du Bouddha et observait donc tout ce qui se manifestait à chaque instant par l'une ou l'autre des six portes sensorielles. De cette façon, il rendait impossible l'apparition dans son esprit de négativité qui n'y était pas encore. Qu'en est-il des négativités qui sont déjà présentes dans l'esprit et qu'il faudra éliminer? Il s'agit là d'événements du passé, de situations difficiles qui ont été expérimentées dans le passé et qui ont généré des énergies négatives, comme par exemple la colère, l'avidité. Comment allons-nous faire pour nous débarrasser de ces négativités qui étaient donc déjà présentes dans l'esprit, tout simplement en les oubliant? Si nous ne notons pas ces pensées concernant le passé, si nous nous y attardons et que nous y demeurons, cela ne fera que nous rendre tristes. Il faut donc noter tout simplement ce souvenir, c'est de cette façon qu'on va y mettre fin. Et pour ce qui est du quatrième type d'effort, celui qui consiste à développer des énergies pures qui sont déjà présentes en nous, il s'agit tout simplement de faire l'effort dans le but de développer la concentration et la connaissance. C'est ce que nous faisons en ce moment. Et une autre façon de développer des énergies pures qui sont déjà présentes en nous, c'est de prendre les 9 préceptes comme nous l'avons fait. Ce sont des actions méritoires, des kusala. Donc ce sont des exemples d'énergie positive qu'on va réussir à introduire en soi. Qu'en est-il des énergies positives du passé, qui étaient donc déjà présentes dans l'esprit et qu'on doit développer? Il s'agit par exemple de la moralité, sila. Ce sont des choses positives qu'on a fait dans le passé et pour les développer, il faudra tout simplement se les remettre en mémoire. Si vous réfléchissez aux actions positives que vous avez faites dans le passé, par exemple, le fait d'avoir maintenu les préceptes moraux purs, vous allez voir apparaître la joie dans votre esprit. En résumé, pour ce qui est des énergies négatives, des actions négatives que nous avons faites dans le passé, pour les éliminer de l'esprit, il s'agira tout simplement de les oublier. De cette façon, elles vont progressivement être éliminées de l'esprit. Pour ce qui est des énergies positives, les développer consiste tout simplement à se les remettre en mémoire. De cette façon, elles vont augmenter. Bien sûr, lorsque vous méditez, vous devez observer tout ce qui se manifeste à chaque instant, spontanément. Vous ne devez pas vous mettre à réfléchir à quoi que ce soit. Mais j'en parle ici tout simplement pour expliciter un petit peu la notion de l'effort juste qui comprend donc ces 4 sortes. Ici, nous essayons de maintenir notre esprit sur l'abdomen. Il nous faut, pour y arriver, l'effort, l'attention et l'application de l'esprit, vitaka. Si vitaka est précise, l'esprit sera placé sur l'objet, il ne sera pas éparpillé, il sera établi sur l'objet, et en conséquence, il n'y aura pas d'agitation. Lorsque nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que ces 3 facteurs sont présents, donc l'effort, l'attention et l'application de l'esprit, et si nous faisons cela de façon répétée, à de très nombreuses reprises, l'esprit va finir par se maintenir sur l'objet. Ce maintien de l'esprit sur l'objet est appelé vichara. L'esprit se frotte à l'objet. Parfois, on compare ces 2 facteurs, vitaka et vichara, donc l'application initiale et le maintien, on compare ces 2 facteurs au son d'une cloche. Le premier son, c'est vitaka, et le prolongement de ce son, c'est vichara. When the mind is sustained on the object. Lorsque l'esprit se maintient sur l'objet, le yogi comprend cet objet. Et donc, c'est de cette façon que la connaissance apparaît. Parce que ces 2 facteurs sont présents, vitaka et vichara. Le méditant observe par exemple le mouvement de soulèvement et il voit certaines qualités comme par exemple le support, le mouvement, la tension. Et lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il note abaissement et il expérimente une sensation de relaxation ou de mouvement. Le yogi pratique ainsi et il note ces 2 mouvements. Il en arrive à voir clairement qu'il n'y a là à l'intérieur de lui que deux choses, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Les phénomènes physiques sont dépourvus de conscience, les phénomènes mentaux sont ce qui prend conscience. Au moment de la marche, par exemple, le yogi note, lever, avancer, placer. Il observe le mouvement d'élévation du pied et il voit qu'il y a là certaines qualités, comme par exemple de la chaleur. Lorsqu'il observe le mouvement d'avancement du pied, il expérimente une sensation de poussée, de tension. Et lorsqu'il place le pied sur le sol, il expérimente une sensation de lourdeur, par exemple. Et lorsqu'il observe le pied qui s'appuie sur le sol, il expérimente encore d'autres qualités. Le méditant poursuit sa pratique de cette façon et il en arrive à voir clairement que ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est d'abord un phénomène physique, le mouvement par exemple, immédiatement après, un phénomène mental, la prise de conscience de ce mouvement. Et ceci se produit de façon répétée à chaque moment d'attention. On illustre tout ceci par une pierre de lune qui va nous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. Imaginons qu'il y ait là des pierres de lune et on va les percer. À travers ce petit trou, on va passer un fil de couleur. Une personne qui a une bonne vue va regarder ces pierres de lune et le fil qui les traverse. Et il pourra faire clairement la différence entre la pierre de lune elle-même qui est percée d'un trou et le fil qui passe à travers ce petit trou. La pierre elle-même, c'est le phénomène physique et la ficelle qui les traverse, c'est le phénomène mental. L'esprit qui note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, par exemple, est comparé à cette ficelle. This is exactly like the yogi's discernment of mind and matter. C'est ainsi que le yogi en arrive à faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Donc c'est la première chose que le méditant va comprendre et qui concerne donc la réalité. Il faut pour cela que sa concentration ait atteint un certain niveau. Il faut qu'il ait éliminé de son esprit les empêchements. Il va alors en arriver tout doucement à voir, à comprendre les caractéristiques des phénomènes, la manifestation des phénomènes, la fonction des phénomènes. Le méditant qui observe le mouvement de soulèvement, par exemple, va pouvoir comprendre sa caractéristique de support. Cette caractéristique de support est comparable à un poteau qu'on aurait placé tout près d'un arbre qui est sur le point de s'effondrer. Je n'irai pas plus loin dans cette explication, mais il y a en bas un feuillet qui explique comment se passe l'observation des phénomènes. Le méditant va donc expérimenter tout cela. C'est la première connaissance qu'il va acquérir. Il observe donc les phénomènes qui se manifestent en lui à chaque instant et peut faire la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Il poursuit sa pratique. Son attention et sa concentration continuent à se développer et il va en arriver à expérimenter les causes et les effets. Au début, lorsqu'on étend le bras, par exemple, il faut faire un gros effort pour observer ce phénomène à l'instant même où il se produit. Mais lorsque la connaissance se développe, on en arrive à voir que pour que ce mouvement puisse avoir lieu, il y a eu d'autres choses au préalable. Et le yogi, qui a donc une pratique avancée, en arrive à voir qu'avant le mouvement, il y a eu l'intention d'étirer le bras. Il note donc intention d'étirer, intention d'étirer. Et il comprend que le mouvement a lieu parce qu'il y a eu juste avant l'intention pour ce mouvement. Il n'y a personne qui a l'intention d'avancer le bras, il n'y a personne qui avance le bras ou étire le bras. Nous pouvons voir ici, tester tout cela avec le doigt. Si nous avons l'intention de bouger le doigt, il va bouger. Mais s'il n'y a pas cette intention, il ne bougera pas. Le yogi qui a développé une forte attention et qui a la continuité de l'attention pourra avoir cette intention qui précède le mouvement. Le yogi ne pourra voir ces choses, comprendre tout cela, que si son attention est devenue continue. Ceci pourrait prendre 5 à 6 jours. Il y a toutes sortes de façons d'expérimenter les causes et les effets. Par exemple, lorsqu'on note voir, on peut constater pour qu'il y ait la conscience visuelle, il faut qu'il y ait l'œil et la prise de conscience de l'objet. Et lorsqu'il s'agit d'un son, on pourra voir que la conscience auditive apparaît parce qu'il y a eu au préalable l'oreille et le son, l'onde sonore. Et c'est la même chose pour les odeurs et pour les goûts. Le yogi poursuit sa pratique, il observe tout de cette façon, en voyant chaque fois la cause et l'effet, et donc il comprend qu'il n'y a jamais à l'intérieur de lui qu'une succession de causes et d'effets. Il y a le phénomène mental de l'intention et l'effet qui est le phénomène physique. Donc, pour ce qui est du mouvement, il y a d'abord le phénomène mental, l'intention, et ensuite le phénomène physique, le mouvement. Pour ce qui est de voir, il y a d'abord le phénomène physique, l'objet visible, et ensuite le phénomène mental, la conscience de cet objet, la conscience visuelle. Et tout ceci, le yogi va l'expérimenter lorsqu'il aura obtenu la pureté de l'esprit. Il voit la réalité. On peut illustrer ces phénomènes physiques et mentaux d'une autre façon. Imaginons qu'il y ait là deux personnes. La première est handicapée et la deuxième est aveugle. Il y a là l'handicapé et l'aveugle. Ils ont besoin l'un de l'autre. L'handicapé ne pourrait rien faire sans l'aveugle, mais l'aveugle ne pourrait rien faire sans l'handicapé. Imaginons maintenant que l'handicapé monte sur le dos de l'aveugle. Grâce à cette collaboration, ils vont pouvoir se déplacer, car l'aveugle sera guidé par l'handicapé qui peut voir et l'handicapé qui ne peut pas marcher sera porté par l'aveugle. C'est de cette façon que ces deux facteurs fonctionnent en interaction, l'esprit et la matière. Voilà, ceci suffit pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous continuer à pratiquer, persévérer dans votre observation de l'objet primaire et de tout ce qui se manifeste en vous, en fournissant l'effort, en appliquant votre esprit à l'objet et en lit maintenant. And so I hope you will be able to continue to observe every prominent object as and when it arises using the factors of effort and aiming so that you stabilize the mind and develop knowledge as you would like. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.